needed power chords. Yes, Brutal Bravo avec Cut the Crap. C'est le camarade B qui vous accueille pour cette 704e émission de Skypunkra en ce jeudi 29 mars 2018. Et oui, enfin, la 704e a le temps de sortir. Comment ça a été? Ouais, elle est procrastinée un peu celle-là, mais en tout cas, des fois, ça qui arrive, hein, quand la job prend le dessus, ben, l'émission arrive après, pas le choix. En tout cas, bref, c'était Brutal Bravo avec la pièce Cut the Crap, comme j'ai dit il n'y a pas trop longtemps. Puis ça, c'est extrait de leur EP de 2017, vraiment très bon groupe, Oi. Puis là, on continue en musique, en street punk, puis en Oi, avec tout d'abord une formation ben, qui donne plus dans le pop punk et puis qui est sur Stump Records, c'est-à-dire de Penske File avec la chanson Yesterday's Getaway. Pièce qui se retrouve sur leur tout nouvel album qui s'appelle Salvation. Après ça, on va continuer avec Rude Pride et puis la chanson Broken Silent. Pièce qui se retrouve sur leur plus récent album qui vient en vinyle, en CD puis en MP3 aussi. Mais en vinyle, il est vraiment bon le vinyle. Puis il joue très bien. En tout cas, bref, cet extrait de l'album Take It As It Come. Et puis après ça, eh bien, on va avoir Sabotage qui nous viennent des pays scandinaves avec la chanson Seger. Et puis ça, c'est extrait de leur album qui porte un nom compliqué à dire, c'est-à-dire Denja Vandergronden. Ouais, ça ressemble à ça. Sur ce, allez, let's go, allons-y en musique avec The Penske File et puis Yesterday's Getaway. Tout ça à Skypunkra. Let's go! Tired, I lose lips, but for how it knew that Cause I've been losing my grip on a one-way ticket to nowhere. Are you losing your grip on a one-way ticket to somewhere? Cause I've been losing my grip on a one-way ticket to nowhere. Are you losing your grip on a one-way ticket to somewhere? To nowhere. Ok, alors c'était Sabotage et la chanson Cigar, et puis au début du bloc, on a eu de Penskefell avec Yesterday's Getaway, ainsi que Root Pride avec Broken Silent. Maintenant, on continue en musique avec Booze and Glory, et puis la chanson Off We Go. Booze and Glory qui seront en spectacle à Montréal le 22 avril avec Atagonizer ATL, ainsi que Force Majeure de Montréal, qui ont une cassette en plus qui est sortie là, vraiment pas longtemps là, sur LSC Records. Chansons qui vont jouer tantôt, et eh oui, tantôt je vais faire jouer plus tard dans l'émission là, deux chansons qui sont extraites de leur cassette 2018, là, démo cassette 2018. Et puis vous allez voir ça, ça va jouer tantôt, très bon. Et puis après ça, dans le prochain bloc, on va avoir Snack avec leur chanson That's It. Pièce qui est extraite de leur split qu'ils ont fait avec Bon Vivant en 2015. Et puis après ça, eh bien, on va avoir No Heart avec la chanson Name Dropper ainsi que These Days. Deux pièces qui se retrouvent sur leur plus récent album, qui est un split avec la formation australienne The Opposition. Et puis c'est ça. Donc allez, let's go. Allons-y en musique avec Booze and Glory et puis Off We Go. Tout ça à Skypunka. Let's go! Let's box that fire and up we go. Direction Germany. nation. Distant generation, across the nation. Cascaded Africa's society. Definitely a piece in all junkies. Don't reach out, ain't no one to live. Those black fight with other kids. Seems to consume us all. We keep building up these fucking walls. Get to the day you'll feel this inflation. Tis the generation across the nation. To consume us all. We keep building up these fucking walls. Get to the day you'll feel this inflation. Distant generation across the nation. Oh yeah, alors c'était No Heart avec la chanson These Days. Et tout juste avant celle-ci, on avait eu Name Dropper. Et au début du bloc, son recul de deux chansons avant ça, là, on avait eu tout d'abord Booze and Glory avec Off We Go, ainsi que Snack et la pièce That's It. Maintenant, on enchaîne avec une entrevue que j'ai faite avec Route Saint-Louis le 16 mars. Ben ouais, c'est ça, donc le 16 mars, était dans le fond le vendredi du Hi-Fest, là. Donc ça a été fait dans le truck de Yann, le chanteur de Route Saint-Louis. Donc au cours de cette entrevue qui sera dans le fond en trois blocs, on va entendre aussi les chansons Dans mes bagages, le blues du punk et puis Défendons nos opinions en attendant les nouvelles pièces de Route Saint-Louis, parce que Route Saint-Louis, vous allez voir ça là, il y a du nouveau qui s'en vient. Sur ce, allez, let's go avec l'entrevue de Route Saint-Louis et puis après ça, ben des tunes. Puis le restant de l'entrevue avec Côte Saint-Louis. Allez, let's go! 1-2-1-2-3-4-3-4-5-6-7-8-9-10, on s'en colisse. Puis en tout cas, c'est le camarade Bière qui est en compagnie de Yann de Route Saint-Louis. Yann, comment ça va? Hey, ça va bien, man. Yeah! Bon, yes, sir! Content d'être là. Mais moi aussi! Mais là, toi, tu manques un assez de bon show à soir, là. Ah, ta gueule. Fait que, en faisant de la route dans ton char, justement, qui fait beaucoup de route, la route Saint-Louis, ce nom-là, la route Saint-Louis, ça vient d'où? Parce que je t'appelle à faire nous parler à soir, mais je commence demain. Ben écoute, t'es un peu tanné de le dire. Non, je te niaise, là. Ça me fait toujours plaisir. Dans le fond, la rue Saint-Louis, ben c'est elle qui traverse la Terrebonne, elle devient un autre nom, mais tu sais, ça reste dans la même ville, fait que c'est la route la plus longue, puis ça mène à des autoroutes, fait que... La route Saint-Louis, la rue Saint-Louis, fait que c'était juste normal qu'on s'appelle comme ça. Pis ça fitait pour vous autres. Ben oui. Là, vous autres, là, dans la vie, là, qu'est-ce qui a fait dans sorte qu'à un moment donné, une gang de punk se sont ramassés pis qu'ils se sont dit on va faire du folk punk? Eh hey boy. Ok, là, tu pars de loin. Là. Ah, je pars de loin. Hein. Ça, c'est genre moi qui est tanné d'avoir un band parce que ça marche jamais pis fait que je me dis ok, là, je me pars un duo acoustique, une guitare pis moi qui chante. Pis j'ai plus de problème avec personne. Sauf que ça a duré un temps, pis après ça, j'étais plus capable. Là. J'étais comme, aïe, aïe, aïe, je m'ennuie d'avoir un drum, je m'ennuie d'avoir une bass, Steve. Ah! Fait que finalement, ben, je me suis trouvé du monde. Là, ça a juste bien à donner. On avait tapé un genre de petites démos à deux, pis on s'est ramassé dans un studio que je connaissais, le propriétaire, celui qui nous enregistrait, pis tout. Ça, c'est pour l'album Pogne de Chalet, tu parles? Ouais, là? C'est ça. Ok, ok. C'est le projet avant ça. Ouais, ouais. Ok. C'est ça, un petit album. Démo. Un petit démo qu'on a. Qui est trouvable ou ben. Non. Ben, si tu connais quelqu'un qui l'a, peut-être. Là, toi, mais, tu l'as encore ou. Même pas. Ok, ouais, ok. Je sais, okay. Ben, peut-être, mais je déménage souvent. Ça, c'est un classique, là, des band punk. Hein? Ah. Bah. Mais sinon, ces tunes-là, est-ce que vous les faites encore, vos vieilles tunes? Ben, il y a une couple de tunes qu'on a remodelées à la nouvelle manière, là. Sur Punk de Chalet. Ben oui, c'est okay, ça. OK. Fait qu'il y en a une ou deux qui nous suivent encore, mais toutes les autres, c'est des nouvelles. Puis le prochain, ben là, c'est vraiment des nouvelles avec... c'est toute la nouvelle mouture, la meilleure mouture qu'on a eue... c'est ça, puis c'est parfait. Ça l'avance bien. On est vraiment dans le mode punk de chalet. Là. Comme là, tu me disais tantôt, là, vous êtes rendu avec un nouveau guitariste, nouveau drummer. Ben, le nouveau drummer, lui, il remplace l'ancien, c'est ouais, sûr. Ouais, c'est ça. Mais là, côté guitare, vous êtes rendu avec deux guitaristes, c'est ouais, sûr? Ouais, c'est ça. Fait qu'en gros, vous êtes rendu combien dans votre groupe, là? On est rendu 5. 5, OK. Ouais, puis, parce que moi, je suis pas un musicien, je suis juste un chanteur. Là, quand je sais pas, c'est un label qui vous a... Ben, en fond, punk de chalet, c'est à votre propre compte, je pense. Ouais, bien. Ouais, c'est sûr. Exactement. Mais là, votre nouvel album qui s'en vient, vous êtes en train d'enregistrer, là. Ça va sortir sur Thousand Island Records. OK. Puis en passant aussi... Ça, c'est où, ça? Sont situés à Saint-Eustache, je crois. Mais en tout cas, c'est dans ce coin-là. Là. Okay. C'est dans le coin de Saint-Joseph-du-Lac, Oka, en tout cas. Okay. C'est dans ces coins-là. Puis un des deux fondateurs de la compagnie, ben s'est rendu notre nouveau drummer. Fait que, ah, OK. Tu parles de Frank Boisvert, ton drummer. Là. Fait que c'est parfait. Tout le monde veut que ça avance. Tout le monde est sur le même... C'est la même voie. Là. Ouais, c'est ça. Okay. Sur la même longue. Vous autres, Route Saint-Louis, c'est plus comme un band sideline ou si à un moment donné, la job peut se remplacer par Route Saint-Louis, prenez-vous juste le band? Ça, c'est sûr et certain. Si je suis capable de vivre de ça, check-moi bien aller. Puis le sûr et certain, y a-t-il le même pour toute la band ou ça dépend de... Écoute, faudrait lui demander. Là, OK, ouais, je ça, veux ça, pas parler à leur ça, place. Ça, c'est un autre un peu. Ouais, je veux pas parler à leur place, mais d'après moi, ça irait bien. Ça irait bien. Bon, OK. Dans vos nouvelles chansons, dans le fond, avez-vous abordé des nouveaux thèmes ou t'as-tu... Ouais, j'essaye j'essaye des nouvelles affaires, là. Tu sais, d'habitude, avant, vu que j'étais jamais sûr des musiciens, ben, je marchais d'une manière, là, vu que c'est des musiciens plus sûrs, ben, c'est comme une autre approche, fait que les chansons vont être différentes, c'est sûr. Différent dans quel sens au niveau du... Ben, au niveau de la composition, parce okay. que, tu sais, comme sur Punk de Chalet, il y en avait même que c'était moi qui avait fait, fait que, hey, boy, boy. T'sais, ben, tout se tenait quand même... Ben, c'est ça. Tout se tenait bien, c'est ça, là? C'est ça. Ça se tenait bien, mais c'était pas... Tout aspirait à plus. C'est, ben, je pense que moi, oui, puis eux okay. autres, ben, ça les drive un peu, tu sais, c'est sûr, là. Puis c'est eux autres là, qui à fond, là, ils jouent pas comme des covers d'un autre, d'un autre membre. Qui ben, c'est dans le fond, c'est toute la band qui participe à l'album. Là. Ouais. C'est ça que tu veux dire. C'est ça. À la composition des tunes. Ouais, ben chacun fait sa part. Là, mais ok, c'est ah, ça. Mais c'est bon, ça. C'est ça qui. C'est excellent. C'est bon, ça. Côté sujet, c'est quoi c'est les sujets que vous abordez au niveau des paroles? Les paroles, ben ça reste encore. C'est un peu plus. Contestateur peut-être que l'autre d'avant. L'autre d'avant, c'était beaucoup des voyages, mon idéal de vie à moi. Là, je prends des sujets puis je les picosse un peu plus. Puis, okay. Fait que, t'sais, c'est... Comme quoi, par exemple? Il y a une toune, mettons, comme sur l'intimidation. Il y a des tunes aussi que, tu sais, d'habitude, je parlais toujours au jeu. Ouais. C'était tout le temps des tunes, moi, je m'en vais là, moi, je fais ci, moi, je fais ça, j'étais avec des chums, j'étais avec... Mais là, j'essaye de parler plus de quelqu'un ou d'amener le sujet de la chanson différemment, fait que ça va amener une toute autre dynamique aussi à l'album. OK, c'est bon. Côté show, avez-vous des shows qui s'en viennent bientôt? On a un show, c'est samedi prochain, tabarnouche, avec... Okay. On est à Sainte-Thérèse avec Adhésive, puis... excusez-moi, là, j'ai pas le poster devant les yeux, puis les autres noms. Mais sur Facebook, c'est annoncé. Oui, je l'ai vu. Oui. Puis sinon, en même temps, je veux dire, y a-tu des tournées qui s'en viennent pour cet été? Ou des trucs du genre, des shows, pour l'instant, c'est pas... On travaille pour booker le plus de shows, là. C'est sûr que là, on est un peu à la dernière minute. Vous êtes plus, j'imagine, à travailler sur l'album. Ben, c'est ça. Mais tu sais, un moment donné, il va sortir. Fait que, mec, il sort, il va falloir qu'on fasse des shows. Oh, puis, de toute façon, ben, vu qu'on a fait quand même beaucoup de shows, on aime bien ça, le studio, mais un show de temps en temps, ça nous allume. Ah ouais, c'est sûr. Ça nous allume bien raide. Vous autres, là, c'est dans vos influences, c'est quoi vos plus grandes influences? Mais dans le fond, qu'est-ce qui a fait qui t'a drivé pour aller, mettons, vers le folk punk? Pis pas, je sais pas, faire un band de punk ou de hardcore ou de high, vu que tu tournes quand même dans cette scène-là, là. Ben écoute, ça, c'est arrivé, le fait qu'on tourne dans cette scène-là, c'est arrivé vraiment nowhere. Puis je suis bien content, mais au départ, c'était pas ça pantoute. Au départ, c'était... vu que je voulais partir ça vraiment acoustique, relax, là, je partais dans le mode de... Mais quand même, j'imagine que des bands comme The Pogue, ça t'a influencé. Ouais, un peu, là, oui. C'est sûr, tu sais, mais... C'est comme c'est la base du folk punk, là, tu sais. Ouais. Genre, en fond, tu sais, ça sonne bien, mais en même temps, c'est comme... Tu sais, ça a le côté tout croche du punk, mais en même temps... Il faut que ça soit écrasse un ouais, peu. Ouais, c'est ça. Oh, ouais, non, parce que, tu sais, du folk... Tu sais, faut que ça soit... Clean, non, ça, c'est pas bon, tu sais. Tu sais, il faut que ça aille de l'air sale, mais que ça sente bon. C'est ça. Ouais, et voilà. J'aime la comparaison. T'sais, moi, j'aime bien ça, dire ça. Ouais. J'ai peut-être de l'air sale, mais je sens bon. Ouais, fait que, bon, hein, je sens bon. Ouais. Et voilà, tu vois. C'est ça, donc, tu sais, tu nous parlais tantôt, justement, ça t'a surpris d'arriver dans la scène punk puis tout ça, mais dans le fond, quand t'es punk, c'est un petit peu normal que Route Saint-Louis était pour se greffer à des groupes comme les Ordures Ioniques en show, Ben oui, oui, ça oui, mais c'est parce que, comme je te disais au départ, j'avais parti ça vraiment folk, tu sais, pas de drummer. Puis là, tu sais, je me voyais pas là, là. Moi, je me voyais jouer dans des petites salles, là, genre ben relax acoustique avec un guitariste qui fait peut-être des bacs, peut-être qu'il en fait même pas. Puis tu sais, un petit chansonnier, là, mais qui fait ses tunes à lui, là. Puis c'est qui le premier qui te dit, hey, book Toda avec tel groupe punk, là, ça va être bon, ça va être le fun, ça va boire de la bière puis tracher en même temps? Ça, le premier show punk vraiment qu'on a fait, je pense, c'est avec les ordures ioniques, puis c'est des Bouchards. Okay. Qui nous a était. Qui vous a plugué? Ouais, c'est ça. C'était à Repentigny, à Montréal, ça? Ça, c'était un show à Terrebonne. OK. Puis le lendemain, les ordures, ils jouaient à Québec. Puis ils nous ont demandé d'aller ouvrir pour eux autres le soir même qu'ils ont joué à Terrebonne. Okay. Fait que, tu sais, ils ont vraiment trippé. Puis c'est là que la connexion s'est faite entre nous autres et les ordures, ça se fait-tu? C'est ça. Parce que moi, je pensais que c'était avant ça, que V8 avait l'air à bien connaître la fois que je vous ai vu. Mais non, c'est. Ça aussi, c'est une histoire quand même assez drôle. C'était les 20 ans des ordures, puis. Moi, ben, tu sais, je les connais pas, mais. Ils sont sociables quand même, c'est ça. Là. Oui, j'aime bien ça, des petites attentions de même. Fait que je les ai fait faire un gâteau. Qui genre fait que il était comme vraiment surpris là, tu sais, un gars qui connaisse pas pantoute puis qui arrive, hey ouais. Fait que, attends, je te donne un gâteau, tu sais. Fait que ça a commencé de même, je pense. Ah, c'est bon. tu me disais tantôt dans vos nouvelles chansons, vous avez quand même certains titres de sortie. C'est quoi par exemple là, t'en as-tu 3-4 que tu pourrais me sortir comme ça puis un peu me les expliquer dans les nouvelles pièces qui s'en viennent? Ouais, j'y aurais. Tu vois, comme, tu sais, je te donnais un exemple de comment que j'essayais de plus écrire au on, là. Ouais, c'est ça. Ben, non, ben, plus à la troisième personne. À la troisième personne, ouais, c'est ça, ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a une toune, Tigui, qu'elle s'appelle. Puis, tu sais, on parle pas vraiment de Tigui. Le refrain, on parle de Tigui, mais les couplets, c'est ça comme. Ça peut être n'importe qui, ça. Ben, c'est ça. Le petit Guy, il y a toujours quelqu'un qui a un Tigui en dedans de lui. Puis. Tout le reste de la chanson parle plus du monde qui vont travailler à tous les matins, puis fait que c'est vraiment une chanson en plus qui est vraiment calme, posée. C'est une belle chanson. Je pense que ça va être un franc succès. Bon. Et à part Tigui. À part Tigui. Ça commence par un instrumental. Ouais. Ça commence direct, dang, ah ouais, c'est ben, let's go. Ouais, il y a un petite intro, là, okay. Mais tu sais, c'est pas. Sinon, ben, il y a la chanson Vous aviez tort. OK. Vous aviez tort. C'est un gars qui fait à sa tête, puis que les autres qui le jugent, ben, il lui dit juste que, tu sais, vous aviez tort, là, de me juger, parce que regardez, je suis rendu où ce que je suis rendu, là. C'est bon. Fait que. Puis c'est encore là, ben, c'est ça, tu sais, je parle de quelqu'un, c'est pas. C'est. T'sais, oui, là, celle-là est au jeu, si je me rappelle bien, mais... Ça peut être n'importe qui. Mais c'est ça, fond, exactement. Celui qui t'écoute peut s'associer à ça. C'est ça, exactement. Puis ça, j'aime bien ça. Des chansons que le monde, y se reconnaisse, c'est bien important. On a fait La Nuit des Sans-Abri 5 fois, puis on a joué... Fait qu'à Montréal, Terrebonne... Fait les 5 fois à Terrebonne. OK. Puis... On a fait une fois le Festival d'expression de la rue à Montréal. Puis moi, quand ça touche tout ce milieu-là, tout le monde, je suis bien, bien proche de la rue. Je suis proche d'eux autres. Je suis pas capable de pas donner quelque chose, une sandwich. Je suis pas capable. Et pourquoi, si je peux te le demander? Ben, regarde, j'ai été travailleur de rue pendant un petit bout de temps, puis je me suis toujours retrouvé quand même. Ça t'a influencé beaucoup. Ouais, c'est ça. Ça t'influence encore? Oui, puis ça l'influence peut-être pas comme des décisions pour le band, mais comme des shows qu'on va décider de faire ou des fois des paroles, ça va vraiment s'approprier à ce sujet-là, puis. Fait que c'est ça. La scène punk, en général, la Terrebonne, tu dirais-tu qu'elle va bien, que ça va moyen ou que c'est difficile? Ou... Ouais, c'est... Je sais pas s'il y a vraiment une scène punk. Quand on fait des shows punk... Il y a du monde. Parce que la fois que je vous ai vu à Terrebonne avec les ordures, Il y avait du monde dès le début. Ah oh, ouais, ça c'était. Ça. Ouais, ça c'est sûr, mais tu sais, c'est sûr que si on fait, mettons, 12 shows en un an à Terrebonne, ben. Là, vous allez vous brûler, ouais, c'est okay, ça, c'est exactement. Ça. On est quand même tous de là, fait que. Nos chums, notre famille, le monde qui nous suivent, ben c'est souvent du monde de Terrebonne. T'sais, là maintenant non, parce que justement, nous autres, ben on se promène dans les shows puis on va voir nos amis qui jouent, même si c'est loin des fois. Puis fait que le monde, ben ils sont portés à venir aussi. Là. Fait que c'est une belle amitié qui s'est créée. C'est un beau cercle d'amis. Au Québec, est-ce qu'il y a des places que tu t'es aperçu à force de tourner que, dans le fond, mettons, Route Saint-Louis, ça marchait mieux à certaines places ou dans l'ensemble du Québec, peu importe, vous y allez puis vous posez pas de questions? À Sherbrooke, ça marche tout le temps bien. OK. À Terrebonne aussi, c'est sûr. Ça, c'est notre coin. Québec, ben on a fait un show avec les Ordures puis un autre petit show qui était presque pas annoncé si je me rappelle bien, mais c'était un petit disqueur puis okay. C'était plus intime puis c'était bien correct aussi là, tu sais, moi aller jouer en région, aller jouer moi je veux jouer partout là. Invitation en Europe, s'il vous plaît. Fait que c'est ça, moi, je veux juste propager la bonne nouvelle de Route Saint-Louis. Ah, ben, je connais du monde pour l'Europe, fait que je vais te faire un cue de suite, là. Ouais. Hey, Jean-Philippe Marie, t'as compris ça, là? Fait que tu sais quoi faire, Roster, hein? T'as un band du Québec, il faut que tu plugues, là. Yeah! OK, ben, je te remercie beaucoup pour l'entrevue. Puis, on va se voir bientôt. Merci à toi, man. Ça fait plaisir. Moi, Skypunka, man, pour vrai, si t'as tout fait jouer notre album, pis quand t'as eu fini, t'as recommencé. Ouais, mais qu'est-ce que du V8 t'avais dit? Ouais. V8 voilà. T'avais dit, man, quand il aime de quoi, il fait jouer, esti. Parfait. Quand il aime pas ça, ben. Il le fait pas jouer. Ça joue pas. Ouais. C'est parfait. C'est aussi simple de voir. Ouais, ouais. Fait que merci à toi, man. Ça fait plaisir. Pour mettre fin à l'inconscience, pour mettre fin à l'ignorance, pour briser le silence, pour éponger les souffrances, pour mettre fin à l'inconscience, pour abreuver nos connaissances, pour un jour attraper la puissance. C'est pendant le chemillon, peu importe ce qu'ils diront, pour tenir à ses convictions. Défendant le chemillon, il faut pas se laisser, se laisser marcher sur les pieds. Il faut jamais abandonner pour voir nos rêves se réaliser. La passion nous garde en vie, il faut se crisser de ce que le monde en dit. Il faut jamais abandonner, continuer de persévérer. Défendons nos opinions, peu importe ce qu'ils diront. Fonder à ses convictions. Défendons nos opinions. C'était la chanson « Défendons nos opinions » de Route Saint-Louis. Et j'espère que vous avez bien aimé cette entrevue réalisée avec Yann de Route Saint-Louis. Maintenant, on enchaîne en musique, mais également avec une autre entrevue, c'est-à-dire « Genetic Error ». Et oui, j'ai eu le plaisir de faire une nouvelle entrevue, ou plutôt une mise à jour d'entrevue avec la gang « Genetic Error » à la Chope du Trou du Diable, la fin de semaine passée, là, le 24 mars. Donc, on va commencer, c'est ça, avec tout d'abord une partie d'entrevue. Puis après ça, on va avoir la chanson « What If » et finalement la suite de l'entrevue. Puis, on va terminer ça avec la pièce « Toxic Planet ». Et après ça, plein d'autres musiques. Sur ça, allez, let's go! Ça commence avec l'entrevue de « Genetic Error » et puis plein de musique. Allez, go! Thank you. Hey, bon. Première question. Bonjour la gang. Bonjour la gang, ça va bien? Bonjour! Hey, t'es un peu. Là, ça va avoir une trace de break. Hein. Non, c'est pas mal. C'est sérieux, Derek Tom? Alors, ce n'est pas une entrevue avec Derek Tom, mais c'est une entrevue avec Jonathan Kerrer, fait que je pense que ça va être plus sérieux. Donc, pourquoi vous êtes rendu avec deux guitaristes? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'au retour de Jonathan Kerrer... Ben, en fait, c'est un bon retour aussi, là. Parce que... OK. Quand j'ai t'inquiète puis vous en étiez à votre premier retour, ben là, t'étais meilleur, puis là, t'es rendu moins bon, c'est ça. C'est ça. OK. Puis peut-être la réponse. La raison sérieuse. C'est parce qu'au début, on était à 4. Okay. Du premier démo. Puis on voulait un peu reproduire le son de, dans le temps. Okay. Sur Toxic Planet. Ouais, sur Toxic Planet. Okay. Puis on était à deux guides là-dessus. Sur de toute manière, en studio, on mettait tout le temps deux guides pareil. On doublait les guides là même. Ouais, ça paraissait, sauf qu'en show, moi, quand j'étais jeune, il y avait juste un guitariste. Ouais. Là, je me demandais est-ce que c'était Super Mario qui faisait deux guitares en même temps des fois. Là. Oui, je jouais avec deux guitares en même temps. Tu pluguais dans deux amplis en même temps. Tu comprends ça? T'as deux sons. Autre chose, j'aimerais savoir pourquoi que What If, Overthrow et Greedy, là, vous les avez pas enregistrés dans le temps et que ben là vous l'avez fait. Ouais, oui, What If avait été fait, c'est le deuxième demi. Ouais, What If. Ok. Ben, on l'a refait. Ouais, là, tu sais. Mais les deux autres, parce que c'était des tunes qui étaient déjà prêtes. Ouais. On a splitté. Ok. Puis quand on a arrêté, c'était dans les derniers jours qu'on a fait. C'était les dernières compos qu'on avait faites. En 95, mais c'est ça, fait que Overthrow puis Greedy. Dans le temps, là, y'avait-tu un projet, mettons, de faire un 7 pouces avec ça, ou y'avait d'autres tunes qui étaient peut-être à non, venir on avec? Tout le temps après de monter. On était au stade d'un début d'un nouvel album. Ok, ok. Il y avait 3-4 tunes de près. On était rendu là. Puis là, il en manque encore 4 ou vous avez commencé à travailler sur du nouveau stock? Ben, il manque 5-6 tunes, puis on s'y apprête pour. Mais y en a-tu comme 5-6 qui sont en composition, là? Y'a-tu des idées de composition, ouais, des idées de sujet ou... on a deux trois de commencer. Votre nouveau CD, là, il est éponyme. Mais, dans le fond, ça se pourrait-tu qu'on le retrouve un peu comme en projet vinyle, avec peut-être juste les 4 nouvelles pièces, ou, je sais pas, y'a-tu quelque chose, genre, mettons, comme un 10 pouces, peut-être pas un 13 pouces, que faire un 13 pouces pour 4 tours, ça rentrait pas, mais un genre de 10 pouces qui est un format assez spécial, mais il pogne en tout cas. Non? Donc ça va être plus pour un prochain album qui va sortir comme plus de tunes. Ok. En vinyle. Ok. Votre cover de Razor, là, Cross Me Fool, là, est-ce que comment vous avez procédé finalement pour approcher Razor puis en même temps l'enregistrer, ça a été compliqué ou. Ben ça, t'as pas besoin d'approcher pour non? Que tu payes les droits. Ok. T'as le droit, mettons, dépendamment du montant que tu payes, t'as le droit à temps d'être bon. Ok. On a payé pour nos 500 CD, mais quand on est sorti, là, tu payes pour un d'acheter en OK. T'as les droits d'auteur. Puis ça, dans le fond, c'est quoi? C'est que tu t'informes à la socket ouais. Ou comment ça ouais, comment vous avez procédé? Il y a plein d'organismes. Le bureau canadien des droits d'auteur. OK. Tu passes par eux autres, puis eux autres, ça rentre avec les autres, ils vont envoyer l'argent. Les droits d'auteur de l'artiste qui a fait la tune. Ok. Fait que n'importe quelle band dans le monde pourrait reprendre ouais. Une de vos tunes. C'est sûr. Mais c'est sûr. Okay. On va faire un personnage. Ok. C'est bon. ok. Ah oui, dans vos nouvelles chansons, c'est en préparation. Vas-tu voir ça ce soir? C'était en préparation ou. Non, pas encore. C'est pas encore. Tu penses à avancer encore? C'est encore. Embryonnaire. Embryonnaire. care about the lives of real people. What if? What if? What if? What if? What if your actions to escape the bed? What if you're dead? Cause you're gonna die. What if? What if? Prochaine tourne, est-ce que ça va être plus en anglais encore ou quelques-unes en français? On a pensé en japonais. En japonais? C'est bien ça, André. Non, ça devrait être en anglais. Okay. Principalement en anglais. Puis pour les sujets, est-ce que y a-tu quelque chose finalement qui accroche plus Genetic Erreur en 2018? Mais tu crois que toujours paraître. On n'a pas vraiment de ligne de pensée, mais tu sais, on essaie de faire de quoi de sensé. En même temps, ça me tente pas de parler des manches bleues, c'est quand même. C'est sûr que Genetic Error et les rectums, mais... c'est pas pareil. Là. Non. C'est quand même engagé un peu, pareil. Ouais. Ce côté-là, on a peut-être un côté plus hardcore, les lyrics. Ouais. Ben, plus engagé, c'est sûr. Proche comme les sujets du jour. Ouais. C'est des tunes de 20 ans, on parle de d'autres choses qui se font aujourd'hui. Je crois que vous avez certaines tunes qui sont, on pourrait dire intemporelles. Ouais. What If, c'est un peu comme la peine de n'importe quel. Ouais, c'est toxique. Ça m'était parlé un peu sur Internet, là. Vous autres, si, admettons, il y aurait du monde d'Europe qui vous approcherait, là, est-ce que vous seriez prêt à partir en tournée cet été? S'il y a moyen de faire une semaine, mettons, on n'est pas prêt à partir une couple de mois. Ouais, mais mettons une semaine ou deux. Ça sera bon. Okay. S'il y en a qui veulent vous rejoindre, comment ils font? Ben, ils t'appelleront et ils viennent nous appeler après. Ouais, mais si on donne pas mon numéro de téléphone, parce que je donne pas mon numéro de téléphone aux Européens, moi non plus. On est quand même assez actifs sur la page. Et vous autres, c'est vrai que vous êtes un groupe plus crossover que metal ou hardcore, c'est-tu plus facile justement pour vous autres d'aller rejoindre? Ben en même temps c'est difficile, c'est plus étendu, mais il y a certains styles que tu sais, c'est comme... On fait pas. Ouais, je sais. Okay. Dans le métal, c'est du gros métal, gros gars. Ou bien technique. Dans le hardcore, ça fait plus. Ouais, c'est hardcore. Ouais, c'est ça. Pour les métalleux, on est peut-être trop punk, et pour les punks, on est peut-être trop métalleux. Fait que tu sais, il est comme un juste milieu là-dedans, je pense. Peut-être qu'on pourrait jouer avec des hoy, tu sais. C'est sûr que c'est différent. Les États-Unis, pensez-vous aller faire un tour là aussi cet été? Pas cet été, on aimerait bien ça, mais c'est ça, mais c'est parce que ça coûte cher, c'est dispendé, mais on est ouvert. On a changé là, on va y aller, c'est sûr. Dans les shows qui sont à venir prochainement, où est-ce que vous allez? Puis y a-tu, je sais pas, des gros festivals ou des gros shows qui s'en viennent? Des petits shows en salle, je sais pas. À date, on n'a pas vraiment de scintiller. On est plus en mode de composition. Ouais, on court pas après les shows. C'est sûr que si on s'en fait proposer, on va y aller ou on va le considérer. Mais là, on est plus en mode composition. On se dirige plus vers ça. C'est bon. Avant qu'on se quitte, les petites tournes des directums, c'est-tu encore possible ça des fois, en fin de show? Les témoins de Jéhovah, tu veux dire? Peu importe. Pas de temps en temps. C'est déjà arrivé dans le passé. Oh, ouais. C'est le monde depuis qu'on arrête. Les témoins sont tellement durs à jour. On verra le taux d'alcoolémie dans le Saint-André. Bon, ben, merci les gars, puis bon show, puis bonne poursuite pour 2018. Merci. Yes, c'est ça, plaisir. Allonge pas ton émission, c'est cool là-bas. Ouais, allonge pas. live in deep sky, pure hair, crystal color river. I guess all of this is done without a thing of loving. As the body burns, my intelligence is flashing. You think you can use this planet with no one giving a shit? We're losing what we've been drinking, pieces of food can handle us free. Everyone's supposed to be know what you're doing to all. Give a few of us to help us to win your best. No one will really doubt if something bad happens. You need just the one in touch of all big future. You think you can lose this planet with no one giving a shit? We're losing what you're dead, bring speeches so you can handle a dream. Start to realize, wake up! Start to take action, wake up! You're too discouraged, wake up! Gotta see this world, wake up! Start to realize, wake up! Start to take action, wake up! You're too discouraged, wake up! Gotta see this world, wake up! Alors, c'était Genetic Error et la chanson Toxic Planet. Et puis, j'espère que vous avez bien aimé cette entrevue que j'ai fait précédemment avec la gang de Genetic Error. Maintenant, on enchaîne en oeil et en hardcore montréalais avec tout d'abord Force Majeure et puis la chanson Né pour un petit pain ainsi que Noirceur, deux chansons extraites de leur album cassette démo 2018 qui est sur LSC Records. Et puis, notez que Force Majeure joueront avec Booze and Glory à la fin du mois d'avril à Montréal. Il me semble que c'est le 22 avril. En tout cas, je l'ai dit précédemment, fait que reculez l'émission. On peut aller voir ce qu'est quand la date ou aller sur Internet. Bref, en tout cas, c'est ça. Après ça, on va avoir Wax, qui est un autre groupe qui est sur LSC Records, mais qui donne dans le hardcore. Donc, on va entendre trois chansons de leur démo 2018. Tout d'abord, mais dans le fond, ce qu'on va entendre, c'est le côté B. Ouais, le B-side. Donc, on va entendre la chanson « I Don't Belong »,« Four Wall » et puis la « Outro ». Ouais, la chanson qui fait « Bye-bye » à la fin de l'émission. À la fin de la cassette, ouais. Parce que c'est pas la fin de l'émission, c'est vrai. Ouais. Bref, c'est ça. Donc, très bonne formation hardcore de Montréal. Puis tant qu'à être dans le hardcore de Montréal, puis on va continuer avec « Offside » et la chanson « Better Days ». Pièce qui se retrouve sur leur 7 pouces qui s'appelle « Big Boss », paru en 2017 sur LSC Records. Sur ce, allez, let's go, musique! Yeah! Bye. Ok, alors c'était Offside avec Better Days, et puis au début du bloc, on avait eu Force Majeure avec Né pour un petit pain, ainsi que Noir Sœur, et après ça, on a continué avec Wax, et puis la chanson I Don't Belong, Four Walls, ainsi que Outro, qui met fin, dans le fond, à leur démo 2018. Bon, on pourrait dire que c'était un bloc LSC Record, parce que c'était tout du stock de bands qui sont sur LSC. Longue vie au LSC. Et puis là, on continue en musique avec un nouveau split, Street Troopers et puis Bromure. Donc on va entendre tout d'abord la chanson Sharp as a Knife de Street Troopers, ainsi que Backbencher. Deux nouvelles chansons qui sont dans le fond qu'ils ont fait pour le Hi-Fest cette année. Puis tant qu'à avoir fait ça, ben ils ont mis sur disque. Puis ben c'est ça, donc c'est sorti avec un split avec la formation française de Bromure, sur laquelle on retrouve justement au vocal le chanteur de Lions là, mais là c'est en français. Donc pour Bromure, on va entendre les chansons Jeans délavés ainsi que Mains dans les poches. Donc c'est tout nouveau, ça vient tout juste de sortir sur Insurgence Record, et puis c'est en 7 pouces, très bon 7 pouces. Et ben c'est ça, donc allez, let's go, Street Trooper et puis Bromure, tout ça là à Skypunka. Allez, musique! We stand. No compromise. The good and the bad. You'll cruise. someone who's gonna say what you should have done. I've been there, puffing my eyes long gone, pointing and droning like a little fish that tried to get on your guest list. Backbencher! We'll be right back. Juliet Bromure avec la pièce Main dans les poches, et tout juste avant celle-là, on avait eu la chanson Jean Delavé. Et au début du bloc, on avait eu deux chansons de Street Troopers, c'est-à-dire Sharp as a Knife ainsi que Backbencher. Quatre chansons qui se retrouvent sur le split de Street Troopers avec Bromure, qui vient tout juste de sortir sur Insurgence Record. Et puis, c'est ça, donc, très bon 7 pouces, je vous le recommande, achetez-vous-le. Et là, on se laisse avec un autre 7 pouces qui est un split aussi. Donc, split de des formations Reckless Upstart qui nous viennent de l'Ouest canadien. Et puis de Streetlight Scent. Ça aussi, ça vient de l'Ouest. Donc, on va entendre les chansons suivantes, c'est-à-dire Kiev et puis Down and Out pour la formation Reckless Upstart. Et puis pour Streetlight Scent, on va entendre les chansons Disorder ainsi que Alt Media. Et comme je l'ai dit, ça vient de sortir sur Insurgence Record. Ça vient en vinyle noir, en vinyle rouge ou en vinyle blanc. Pour ma part, j'ai le vinyle rouge et j'en suis vraiment content parce qu'il joue très bien. Sur ce, bye bye tout le monde et à la semaine prochaine pour une autre émission de Skypunka. Allez, let's go! Rising, the government's falling, the news won't show you what a system is rotting. The world waiting to see. Paul, c'est ça, Skull Punk. United we stand, divided we fall. Anyway, the roof is coming down. Revolution's on the ground, the end of history. How come you look so damn confused? Got something to lose, sure looks that way to me. Fair anything at all, this gets so easy. There's no solution you can't choose. It doesn't matter if you win or lose. Too late when you found the back door. Because we're on the ground tonight. It's no turning back. We're on the thugs with iron crowns. We know where we belong. There's no closing time. The flames on our back. Libre. Ils vont pas se laisser, se laisser marcher sur les pieds. Ils vont jamais abandonner, vont voir nos rêves se réaliser. La passion nous garde en vie, ils vont se crisser de ce que le monde en dit. Ils vont jamais abandonner, continuer de persévérer. Défendons nos opinions, peu importe ce qu'ils diront. Fonder à ses convictions. Défendons nos opinions. Change!